Bonjour à tous, bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Salin et je vous retrouve chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Décoloniser est un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. La question de la politique de la ville est rarement évoquée dans l'actualité. Quand elle apparaît, c'est souvent après des révoltes et le discours typique consiste à dire à droite « avec tout l'argent qui a été investi dans les quartiers populaires » ou alors à gauche « il nous faut davantage de moyens ». Et ça revient de manière cyclique. Mais si on demande à un échantillon de 100 personnes ce qu'est la politique de la ville, que ces gens soient habitants des quartiers ou non, la majorité seront incapables de dire ce que c'est. Voilà, ils diront juste « c'est l'argent qu'on donne au quartier ». Il y a une raison très simple à ça, c'est que la politique de la ville, c'est extrêmement complexe. C'est un millefeuille de dispositifs, de contrats, de sigles, de programmes qui sont incroyablement illisibles. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de nous pencher sur plusieurs rapports qui ont été rendus au début des années 80 et à partir desquels va être pensée la politique de la ville. Pour ça, on va se replonger au début de l'année 1981, où la très répressive loi Sécurité et Liberté est votée au mois de février. On est là clairement dans une politique de contrôle des populations, ce qui veut dire que la pression policière se fait forte sur les immigrés et leurs descendants. Et le contexte social, on l'a déjà vu, est que le chômage est très élevé chez les indigènes, l'école ne conduit pas à l'emploi, et dans les grands ensembles, la situation se dégrade petit à petit. Depuis 1977, avec les programmes Habitat et Vie sociale, l'État commence à rénover les plus dégradés des grands ensembles, mais ça concerne un nombre limité de quartiers. En tout cas, il ne s'intéresse avec ça qu'au bâti. Pour le reste, il procède à une gestion des populations par le contrôle social et policier. En Grande-Bretagne, la situation est comparable à celle des grands ensembles de France. Simplement là-bas, c'est chez les jeunes hommes noirs que le chômage est le plus fort. Beaucoup adoptent la débrouille et les policiers les harcèlent, profitant notamment des sus-lots. Alors, sus comme suspect. Il suffit à la police de considérer qu'une personne a l'air suspecte pour qu'elle puisse la contrôler. Pourtant, en Grande-Bretagne, il y a depuis 1968 la loi sur les relations raciales qui interdit de discriminer, mais cette loi ne s'applique pas à la police. Je citais la semaine dernière Margaret Thatcher qui validait la peur des racistes d'être submergée par des gens d'une autre culture, et en anglais, submergée, ça se dit swamped. Elle disait « People are really rather afraid that the country might be rather swamped by people of a different culture ». Eh bien, elle va créer une opération d'infiltration qu'elle va appeler OPI comme opération, SWAMP comme submersion et 81 comme 1981. Donc on voit que les choix politiques sont comparables dans les deux pays. D'un côté, promouvoir le nationalisme blanc et de l'autre côté, contrôler les indésirables. Et donc le résultat évident, c'est que ça explose. Donc en Grande-Bretagne, il y a une montée en pression des deux côtés. Du côté des suprémacistes blancs qui attaquent régulièrement les immigrés, au point que, quand plusieurs jeunes noirs meurent pendant une house party, bien que ce soit présenté comme accidentel par la police, beaucoup soupçonnent un incendie volontaire. Les militants vont organiser une journée d'action du peuple noir, c'est l'image d'illustration de l'épisode d'aujourd'hui, elle a lieu le 2 mars 1981 dans les rues de Londres, et ils vont être plus de 20 000 à marcher dans la ville. Ils marchent 27 km et passent notamment devant le Parlement britannique. C'est une marche qui se déroule sans incident, mais la presse va salir l'action. Le Evening Standard va faire sa une avec un policier le visage en sang et des organisateurs vont être arrêtés alors que plusieurs jours plus tard, ils seront blanchis. Mais ce jour-là du 2 mars 1981 pose un jalon. First the coming and the going in and out of the party. The dubbing and the rubbing and the rocking to the rhythm. The dancing and the skanking and the party really swinging. Then the crash and the bang and the flame start to drunk. The heat and the smoke and the people start to choke. The screaming and the crying and the dying in the fire. We didn't know so it could have happened, you know. Anytime, anywhere. Far don't it happen to we and the Asians them already. But in spite of all that, everybody was still shocked when we get the cold facts about that brutal attack. when we find out about the fire over new grass. About the innocent life them will last. About the physically scarred, the mentally marred, and them relatives who take it so hard. And you know, although plenty people were surprised, you know said them kind of thing there could have happened to we in a this year Great Britain, in a London today. And a few get frightened, and a few get subdued. Almost everybody had to sympathize with the loved ones of the injured and the dead. For this year massacre, make we come to realize it could have been me, it could have been you, or one of few we picnic them who fell victims to the terror by night. But wait, you know, remember how the whole of Black Britain did rock with grief, how the whole of Black Britain did turn a melancholy blue. Not the possible blue of the murderer's eyes, but like the smoke of gloom on that cold Sunday morning. But stop, you know, remember how the whole of Black Britain turned a fiery red. Not the callous red of the killer's eyes, but red with rage like the flames of the fire. First the laughing and the talking and the styling in the party. The joking and the jiving and the joy of the party. The moving and the grooving and the dancing through the disco. Then the panic and the pushing and the boring through the fire. The running and the jumping and the flames them rising higher. The weeping and the moaning, oh, the horror of the fire. Is a hell of a something for true, you know. What a terrible price we have to pay, Doma. Just for live a little life. Just for struggle for survive. Every day is just worries and struggle and strife. Imagine so much young people cut off in them prime before the twilight of them time, without reason or rhyme, casting the shadow of gloom over with life. Look how the police and the press try them desperate best to put a stop to a quest for the truth. You remember? First them say it could be arson, then them say it could be not. First them say a firebomb, then them say it was not. Them imply it could a white, them imply it could a black, who responds for the attack against those innocent young blacks. Instead of raising the alarm, make the public know what go on. Plenty paper print pure lie for blind your public eye. And the police them plot and scheme, confuse and conceal. Me hear say, even the poor parents of the dead them try for use. But you know, in spite of them wicked propaganda, we refuse to surrender to them ugly innuendo. For up till now, not one of them, neither Stockwell, neither Wilson nor Bell, not one of them can tell we why. Not one of them can tell we who. Who turned that night of joy into a morning of sorrow? Who turned the jollity into an ugly tragedy? First the coming and the going in and out of the party. The dubbing and the rubbing and the rocking to the rhythm. The dancing and the skanking and the party really swinging. The laughing and the talking and the styling in the party. The joking and the jiving and the joy of the party. The moving and the grooving and the dancing to the disco. Then the crash and the bang and the flames start to trunk. The heat and the smoke and the people start to choke. The screaming and the crying and the dying in the fire. The panic and the pushing and the boring through the fire. The running and the jumping and the flames them rising higher. The weeping and the mourning, oh, the horror of the fire. We'll be right back. Le 10 avril, à Brixton, éclatent des révoltes. Brixton, c'est une ville de la banlieue londonienne à majorité noire. Et c'est aussi culturellement la capitale européenne du reggae. On y retrouve des immigrés qui sont arrivés sur le Empire SS Windrush dans les années 40 et qui avaient emporté avec eux les musiques des Caraïbes. Now, may I ask you your name? Lord Kitchener. Lord Kitchener. Now, I'm told that you are really the king of calypso singers. Is that right? Yes, that's true. Will you sing for us? Right now. Yes. London is the place for me. London, this lovely city. You can go to France or America, India, Asia or Australia, but you must come back to London city. Well, believe me, I am speaking broad-mindedly. I am glad to know my mother country. I've been traveling the countries years ago, but this is the place I wanted to know, darling London. This is the place for me. Et dans les années 70, la musique des grands sound systems britanniques participe à créer une identité culturelle indépendante pour les Noirs. La musique et la politique se mêlent dans ces communautés noires à conscience politique forte. Et c'est dans ce contexte qu'arrive cet incident le 10 avril. Il oppose deux policiers à une foule hostile. Un jeune enfant vient leur demander secours et la foule croit sincèrement qu'ils sont en train d'essayer de le tuer et immédiatement ça part en émeute. Les policiers ne sont pas préparés, ils sont face à 300 jeunes hors d'eux et finalement ils vont obtenir du renfort dans la nuit et seront 1000 policiers et le week-end 2500. 4 jours plus tard, tous ces policiers en civil et en uniforme bouclent une partie de Brixton et mènent des descentes, ce qui fait que les tensions entre la communauté et la police s'aggravent. Et les émeutes vont progressivement s'étendre à d'autres villes du pays, Moss Side à Manchester, Liverpool, Bristol, Leicester, Southampton, Handsworth à Birmingham, Derby, Nottingham, Leeds. Les Noirs se révoltent contre le chômage et contre les violences policières. Et évidemment, ça va être cadré en émeute raciale pour discréditer. Margaret Thatcher demandera quand même un rapport qui reconnaîtra que le racisme était à la racine du problème et proposera des politiques contre la discrimination. Mais rappelons-le, les rapports, ça n'engage pas à grand-chose. En juillet, il y aura de nouvelles secousses, particulièrement à Liverpool, toujours vis-à-vis des populations noires. Et Liverpool aussi, il a suffi d'un contrôle pour que ça s'embrase. Pendant ces révoltes, c'est la première fois que la police va utiliser des grenades à gaz 25-30 CS. 70 bâtiments sont démolis, des centaines de policiers sont blessés et ça dure 9 jours. Le gouvernement britannique mobilise des policiers de tout le pays. Et ça reprend fin juillet, où la police là, va utiliser une technique qu'elle a déjà éprouvée sur les Irlandais, c'est foncer dans la foule avec le fourgon de police. Et donc, bien évidemment, ça se soldera par la mort d'un homme. Mais si on ne sait pas ça, on ne comprend pas l'importance qu'a représenté le reggae pour nos frères et sœurs noirs, mais aussi pour nos grands frères maghrébins qui, à cette époque-là, ont 15, 20, 25 ans. Aux États-Unis aussi, il y a des révoltes régulièrement. Celle de Miami en 1980, suite à la mort de Arthur McDuffie, qui était un vendeur noir et un ancien marine, il est mort des suites des blessures infligées par 4 officiers qui tentaient de l'arrêter après une course-poursuite à grande vitesse, et les officiers vont être jugés, mais acquittés, pour homicide involontaire et falsification de preuves, entre autres. Et puis, en juillet 1981, il y aura des révoltes aussi en France, dans un quartier populaire du Lyonnais. Ce ne sont pas les premières révoltes de France. Mais ce sont les premières sous gouvernement socialiste. Et les socialistes vont répondre à ça de 3 manières. Une action sur le bâti, une action policière et l'invention du développement social des quartiers. Donc les socialistes commandent 3 rapports. Le premier rapport, c'est le rapport Bonne Maison en 1982. Il s'intitule « Face à la délinquance, prévention, répression, solidarité ». Et il va inventer la notion de prévention de la délinquance. Le deuxième, c'est le rapport du debout, qui s'appelle « Ensemble, refaire la ville ». Et le troisième, c'est le rapport Schwartz de 1981, appelé « L'insertion professionnelle et sociale des jeunes ». Il va entraîner la création des missions locales et puis une délégation interministérielle aux jeunes. Et le lien avec Miami, Liverpool et Brixton, eux, le font clairement. Le rapport du debout dit en introduction que ce que craint la France après l'été chaud du Lyonnais, c'est de connaître des explosions sociales incontrôlées comme aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. La commande est celle-là, éviter des révoltes. Or, les révoltes, elles ont des causes simplissimes. Le racisme, qui prend la forme de répression policière, de chômage et de mal-logement. Et le rapport Bonne-Maison, qui signe la naissance de la prévention de la délinquance, il est une réponse socialiste à un faux problème, l'insécurité. Puisqu'on l'a vu la semaine dernière, l'insécurité, c'est une construction politique qui vise à limiter les libertés des non-blancs. Le crime en col blanc qui dépouille les caisses de l'État, il n'est pas considéré comme un problème de sécurité pour la France. Donc la question là-dedans, elle n'est pas de réprimer ou de prévenir. Souvenons-nous que la différence entre la droite et la gauche coloniale, c'était que les premiers pensaient qu'on était par nature inférieur et les seconds pensaient que par l'éducation, il était possible de nous civiliser. Prévenir ou réprimer, de toute manière, c'est colonial parce que c'est agir sur nous et non pas sur les sources du problème. Dans la commission des maires qui produit ce rapport, on trouve beaucoup d'élus locaux, les plus célèbres étant Dominique Baudis, Gérard Collomb, Georges Frêche. C'est la commission des maires pour la sécurité. Et les socialistes leur demandent d'intégrer plusieurs contraintes dès le départ. Première contrainte, organiser au niveau régional des réunions avec les maires. Deuxième contrainte, créer des structures de coordination dans lesquelles on va retrouver les affaires sociales, les loisirs, jeunesse et sport, l'éducation nationale, les services municipaux, la justice, la police, etc. Il leur demande aussi de recruter les jeunes pendant l'été pour les occuper et puis aussi d'ouvrir les équipements publics. Et enfin, il leur demande de sensibiliser les responsables des chaînes de radio, de télé et la presse écrite pour que les médias n'amplifient pas les phénomènes de violence dans les quartiers populaires. Et cette commission, elle va se réunir pendant 18 séances. Dedans, il y a des ministres, des associations de maires, des syndicats patronaux, ouvriers, enseignants. Et elle va faire des enquêtes aussi. Et il conclut que le maire est l'échelon idéal pour compléter l'action répressive de l'État. Et que le maire peut, par des politiques globales de logement, d'éducation, de famille, etc., empêcher le passage à l'acte. Et il peut le faire aussi par les animations pour les jeunes et par les clubs. Ce rapport sera suivi de la création du conseil communal ou intercommunal de prévention de la délinquance par un décret en juin 1983. Et quand la politique de la ville sera officiellement créée, quelques années plus tard, ce conseil communal sera intégré dedans. Et ce sont l'État et les collectivités locales qui coordonnent l'action de ce conseil de prévention de la délinquance. Alors ce rapport ne fait pas que réfléchir des propositions pour occuper les jeunes, empêcher leur passage à l'acte. Il appelle aussi à l'augmentation des effectifs de la police municipale. Aux yeux des socialistes, il y a complémentarité entre police d'État ou gendarmerie et municipale. Et celle-ci va d'ailleurs se muer progressivement en une police au service de la politique du maire. On verra qu'elle ne sera pas par nature consacrée à la prévention. Mais en tout cas, c'est la première fois que les maires se trouvent associés à des politiques de sécurité. Or, il y a des glissements qui s'opèrent. Par exemple, la violence des jeunes. Ce n'est pas un problème pour la société, c'est d'abord un problème pour le jeune, qui est mineur. Et des concepts sont créés sur les problèmes urbains ou les violences urbaines qui font perdre de vue que, là, l'acteur principal, c'est un mineur. Il y a aussi, là-dedans, une idée de contrôle social pour prévenir la délinquance, alors que traditionnellement, l'action sociale, elle n'a pas cet objectif-là. Et c'est ce qui permet de dire que la politique de la ville, elle est d'inspiration hygiéniste. Parce que techniquement, la prévention de la délinquance socialiste, elle consiste à travailler sur les individus, sur leur histoire, sur les causes du passage à l'acte délinquant. Mais si vous vous souvenez bien, quand on a évoqué l'invention de la ville coloniale en Algérie, les concepteurs pensaient à tout pour les colons. Ils disaient « Ah, il leur faudra une place arborée qui rappelle la place du village et qui offre en même temps de l'ombre pour se protéger de la chaleur. Il leur faudra aussi une vie communautaire, villageoise. » Donc ils pensaient la vie pour le colon, pour son confort, pour qu'il arrive à développer des relations sociales. Tandis que dans la politique de la ville, on est dans tout à fait autre chose. On est dans la prévention des troubles. On a des gens qui n'ont pas de travail, dont la colère risque à tout moment d'exploser, et l'État se dit « il faut anticiper pour empêcher que ça arrive ». Là est sa priorité. Alors, des exemples en vrac qui sont révélateurs d'une action sur l'individu pour la société, au lieu d'une action pour l'individu. Par exemple, Un problème dans ce rapport est que les femmes restent à la maison. Ils considèrent que les enfants à l'extérieur échappent à leur contrôle. Et ça, c'est quand même révélateur d'une méconnaissance profonde de qui nous sommes. Et leur réponse à ça, c'est d'informer les candidats au regroupement familial que, ici, c'est la liberté des jeunes femmes. L'alphabétisation aussi. L'objectif de l'alphabétisation est de former les femmes à la responsabilité parentale. À cette époque, il suffisait d'avoir eu affaire à la justice ou d'avoir été en foyer pour être recalé du service national, l'armée ne voulant pas des inadaptés, des irrécupérables. Le rapport préconise au contraire de les y envoyer pour en faire des citoyens. Et puis il y a aussi l'idée de créer l'équivalent des compagnons du devoir pour les inadaptés indigènes, avec des projets qui peuvent être montés au pays d'origine. Bon, c'est mignon, mais ça ne règle pas le problème du départ. On est clairement dans des politiques d'intégration, dans le sens où on cherche à adapter les gens aux conditions de vie ici, et pas à résoudre les problèmes qui se posent à eux. Par exemple, leur apprendre à vivre dans un appartement, ou bien favoriser l'éducation civique dans une société où la morale recule du fait de la publicité, la consommation, la libération des mœurs, etc. Mais l'essentiel n'est pas là, ça c'est vraiment annexe. L'idée centrale, c'est de faire du maire un acteur des politiques de sécurité pour prévenir la délinquance des jeunes. Et les acteurs sont les acteurs de terrain, le policier, le travailleur social, l'associatif, qui coopèrent avec les administrations pour agir sur l'habitant. Et même si leurs métiers ne sont pas du tout les mêmes. Et ce rapport, il incarne le modèle français de prévention de la délinquance. Et ça a fait apparaître d'ailleurs tout un tas de métiers de la ville, et puis aussi des opérateurs. Les opérateurs sont des structures qui se créent et puis qui vont se positionner sur une opération précise. Par exemple, une association se crée pour se positionner sur telle activité qui va proposer un accueil du jour. Dans ce rapport, ils font quand même le constat que les grands ensembles HLM sont dégradés, qu'ils concentrent beaucoup de difficultés sociales et beaucoup d'immigrés, même si ce rapport ne parle pas de racisme. Ils remarquent que ceux qui pouvaient partir l'ont fait et que ça a entraîné une concentration de difficultés, et ils demandent à ce que les maires aient davantage la main sur les attributions, que les logements sociaux soient répartis entre les communes. Ils demandent aussi de la vidéosurveillance, de l'aménagement urbain, la promotion de la solidarité avec la police, la banalisation des systèmes d'alerte dans les transports, tout ce qui deviendra plus tard la prévention situationnelle, c'est-à-dire tous ces aménagements qui empêchent le passage à l'acte, par exemple quand la mairie décide d'éclairer tel lieu pour empêcher les vols, ou d'installer des plots devant les banques. Depuis mai 1982, pour obtenir un certificat d'hébergement et recevoir un étranger à la maison, il faut prouver qu'on est en capacité de l'accueillir. Et le maire, désormais, il a connaissance des étrangers qui sont hébergés par ses administrés. Et dans le rapport, il glisse très subtilement que, quand la durée d'hébergement est terminée, il faudrait contrôler, parce que sans décision de justice, on ne peut pas les dégager. Il voudrait aussi pouvoir, dans les commissions d'attribution de logement, diluer, disperser, il n'appelle pas ça seuil de tolérance, mais équilibre de la composition sociale des quartiers. Et chose amusante, ça concerne les Antillais, dont le mode de vie est aussi pointé du doigt dans le rapport. Et puis, il y a le rapport du debout qui va aboutir à la naissance du développement social des quartiers. Tous ces rapports sont en ligne, vous pouvez les lire, vous verrez la grande difficulté avec la politique de la ville, c'est de lire entre les lignes, c'est tout un jargon progressiste, presque bienveillant, mais aussi très technique, qui parle d'opérations, de zones, de territoires, de diagnostics, de partenariats. Une chose est sûre, il y a deux mots d'ordre qui guident l'action. Le premier, c'est le local. C'est vraiment nouveau, et ça va aussi avec la décentralisation mise en place par les socialistes. Donc l'État presque se défausse sur les communes, et ça va créer des inégalités entre les communes qui ont peu de ressources fiscales et puis celles qui en ont beaucoup. Et ça laisse pointer autre chose, c'est le fait que sur un territoire limité, le quartier, le fait d'avoir une instance où discutent tous les acteurs publics, du travailleur social au recteur, à la police nationale et les bailleurs HLM, ça laisse deviner une forme de contrôle social sur un territoire qui est limité, contrôle qui n'existe nulle part ailleurs. Donc ça fait des instances qui potentiellement réunissent beaucoup d'informations sur les habitants d'un territoire dans les domaines scolaires, judiciaires, sociaux. Et dans le cas des associations, dans leur activité, elles sont en lien avec les habitants, elles créent du lien social, et puis ensuite elles vont dialoguer sécurité avec le conseil de prévention. C'est ouvrir la porte à toutes les dérives. Ou bien il y a le bailleur qui connaît la composition de tous les foyers, parce que dans les habitats à loyer modéré, ce qu'on paie en moins par rapport au privé, on doit le justifier, en donnant beaucoup d'informations dans les dossiers. Alors qu'est-ce qu'on doit penser quand on sait que la Sonda Cottrell, elle a été mise en place non pas pour loger les résidents étrangers, mais pour les réunir en un lieu concentré, ce qui rend leur contrôle plus facile. L'autre mot d'ordre, c'est la participation des habitants. Ça vient du fait que dans les années 70, c'est une période où la participation est très en vogue dans l'approche avec les populations défavorisées. On voit les gens comme privés de pouvoir, alors on recrute des travailleurs sociaux qui observent, qui identifient les leaders naturels et qui les forment à mener des actions, comme par exemple rénover le quartier. Ça devient le modèle de la lutte urbaine, c'est très prisé dans le monde anarchiste. Et d'ailleurs, c'est tellement à la mode, la participation, que la même année, l'UNESCO sort une publication qui s'appelle « Un nouvel enjeu, la participation ». Si dans les favelas au Brésil, la participation consiste à rénover le quartier, en France, c'est plutôt la forme associative qui convient. L'association qui est enregistrée auprès de la préfecture, qui a un statut juridique. D'ailleurs, à cette époque-là, pendant cette décennie des années 80, le monde associatif, il est très dynamique en France. Donc des personnes peuvent se regrouper pour mener des actions d'intérêt général. D'ailleurs, depuis 1982, les étrangers, eux aussi, ont le droit de diriger des associations. On s'éloigne quand même avec ça de l'idée d'autodétermination ou d'autogestion. Ça incarne le retour au local, des communautés qui s'organisent. Sauf que dans la vision de la politique de la ville, on retrouve quand même l'idée de transformer l'indigène en citoyen. Ce côté éducation à la citoyenneté, et d'ailleurs l'éducation à la citoyenneté, ce sera plus tard une des thématiques de la politique de la ville avec la culture, la santé ou autre. Donc ce sont vraiment des politiques d'intégration ou bien même de prévention de la délinquance par l'intégration. Je vais prendre un exemple. Dans le monde associatif toulousain, le festival Racine, c'est un bon souvenir. C'est l'été, un festival musical auquel tout le monde participe au bord du lac de Rennerie, des artistes que tout le monde aime. Mais dans la réalité, ça devrait être le minimum garanti partout sur le territoire français. Quand il y a un concert gratuit à Carcassonne, personne ne pense que c'est politique et que c'est une avancée, c'est la base. Et surtout, qu'est-ce que ça a à voir avec le problème de départ qui est le racisme nous maintient dans l'infériorité politique. Donc faire dépendre les habitants des quartiers d'une politique spécifique, ça participe à les maintenir dans l'infériorité politique. Et d'ailleurs, on verra des années plus tard que la politique de la ville deviendra un système très élaboré de corruption de la population qui servira à l'empêcher d'exercer de la politique, à l'empêcher de s'organiser. Mais en tout cas, derrière l'idée mignonne de participation, il faut se rendre compte qu'il y a une entourloupe. Et des acteurs comme les centres sociaux vont se positionner sur l'accès à la citoyenneté. Mais on va retrouver là-dedans ce phénomène qui est propre à la suprématie blanche. C'est-à-dire que d'un côté, par le racisme, on nous prive de droits politiques. Par les discriminations économiques et les conditions de vie indignes, on fragilise les foyers. Et donc les enfants commencent à donner des signes de dysfonctionnement. Et là, l'État crée des programmes pour nous apprendre à distinguer le bien du mal et à respecter la République qui nous méprise. Toute cette vision, elle nous rappelle aussi que le système raciste, il nous considère comme des enfants. Qui naturellement ne peuvent faire de politique que si on le leur apprend. Et là-dedans, les centres sociaux vont jouer un rôle central. Ils vont devenir petit à petit le médiateur entre l'État ou les collectivités locales et les habitants, avec les dérives que ça peut produire. Donc si on imagine quelque chose qui serait fait pour les enfants, pour la jeunesse, pour avoir un ordre de comparaison, on peut regarder les objectifs des scouts musulmans. Eux prennent en charge les enfants pour leur apprendre l'apprentissage par l'action, la progression personnelle, le système des équipes, le soutien adulte, le cadre symbolique, la nature, l'engagement dans la communauté. C'est donc très différent. Ensuite, il ne faut pas minimiser le fait que ce rapport est une réponse politique au rapport Perfit de 1977, c'est-à-dire que les socialistes, ils essaient de se différencier de la droite par une approche humaniste, enfin au moins dans les vœux pieux. Et puis pour finir sur ce rapport, il va aussi réguler la sécurité privée et puis annoncer le développement des sociétés de gardiennage, parce que l'insécurité c'est aussi un business. Tout ça s'inscrit dans la prévention. En tout cas, l'important à retenir, c'est que la gauche valide la notion d'insécurité et la politique de la ville naît en réponse à des problèmes politiques qu'elle n'a absolument pas l'ambition de régler. Il y a un autre rapport qu'il faut évoquer, c'est le rapport Bello-Géré, qui a été commandé pour étudier les réformes nécessaires de la police. Encore une fois, c'est un rapport, ce n'est pas une politique. Il n'a aucun effet s'il n'est pas suivi de loi ou d'une autre décision. Et ce rapport, il est commandé après un terrible, terrible traumatisme pour les policiers en 1981. Gaston Defer avait dénoncé le racisme de la police. Je cite « La police est au service des citoyens. Trop souvent, des malentendus et des méfiances se sont manifestés dans l'opinion et j'entends les dissiper. Si nos concitoyens reconnaissent sans peine la nécessité d'une police efficace, garante de leur sécurité et de leur liberté, ils se montrent justement critiques envers certains abus de la fonction policière qui ne sont le fait que de quelques éléments, mais qui ternissent l'image que les Français devraient avoir de leur police. Vos délégués m'ont unanimement donné leur accord pour qu'ensemble, nous combattions les comportements racistes ou brutaux et que l'emploi de la force soit toujours limité aux seules exigences du rétablissement de l'ordre et de la maîtrise des malfaiteurs. » Donc grosse, grosse souffrance pour les policiers qui se sont fait traiter de racistes. Donc Gaston Defer va faire face à une fronde et les socialistes vont essayer de séduire de nouveau les policiers, mais en s'y prenant autrement. Donc quand Bellorger remet son pré-rapport au Premier ministre, il déclare au journal Libération « Il ne faut pas commencer par traiter les policiers de racistes, les mépriser, leur dire qu'ils sont inutiles. Il ne faut pas non plus les couvrir les yeux fermés. Le juste milieu consiste à satisfaire à la fois l'opinion publique réclamant plus de sécurité et à tenir la police. Ce n'est pas ce que l'on fait actuellement. » C'est un socialiste qui cherche le juste milieu. Mais donc lui, ce qu'il va faire avec son rapport, c'est qu'il va analyser l'institution policière de l'intérieur. Et par exemple, il va préconiser la suppression de l'IGS, la police des polices, qui était compétente à Paris. Et il va aussi suggérer de nommer à la tête de l'IGPN un fonctionnaire qui ne soit pas policier. Mais ça ne se fera pas, parce que l'institution policière, elle ne peut pas tolérer qu'un tiers se mêle de ses affaires. Et les socialistes, avec leur courage légendaire, ne vont pas l'imposer, alors même que pendant sa campagne, François Mitterrand avait promis de remplacer l'IGS et l'IGPN par une mission de contrôle réunissant des élus, des associations, des policiers, des magistrats. Une fois élu, ce n'est évidemment plus à l'ordre du jour. La preuve, c'est qu'on est 40 ans plus tard et on se bat encore pour qu'une instance indépendante contrôle l'action de la police. Mais alors, comment se fait-il qu'il y a 40 ans, l'idée d'une instance indépendante pour contrôler la police était évoquée sérieusement ? Pourtant, on est 40 ans plus tard et les policiers n'ont toujours pas de compte à rendre quand ils sont pris en flagrant délit de violence ou de crime. Et comment se fait-il qu'il y a 40 ans, des Noirs vivant en Grande-Bretagne se sont levés, ont marché à plusieurs dizaines de milliers, ont dit « nous travaillons très dur, nous ne gagnons pas assez d'argent pour vivre et pour élever nos enfants, la vie est trop dure, la police nous réprime, elle vient nous tuer, nous voulons que ça cesse ». Et 40 ans plus tard, la situation est la même. Comment est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça veut dire que marcher en nombre, ça ne suffit pas ? Il faudrait quelque chose en plus. C'est pour ça qu'on prend le temps à décoloniser, de revenir tranquillement sur le cours de l'histoire, parce que c'est peut-être aussi l'occasion de découvrir que des choses ont déjà été tentées et que des erreurs ont été faites, et donc on peut s'en inspirer ou ne pas les renouveler.